Vous les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. Whatever you do, don't ever tell no bitch you love her. If you don't mean it, don't tell us. Check. Darling, I keep falling in love. Darling, I keep falling in love. Ready to drift, La Ferrara handle better and it's pretty as shit. Feel safe in the Rolls, big boy when I drive. Love them all for different reasons at the same damn time. See monogamy, that shit is not for me. One option for everybody, don't you lie to me. Too many rules, I'm too curious to try to be. Hiding things, feeling shame built inside of me. Cause honestly, tea is not perfect. So how can I get everything from one person? I'm at the altar, but I'm still searching. I'm only human, if it ain't work, things change. And nothing stay the same, I believe in. Maybe letting go is a beautiful thing. Perfect for the time being, I ain't do nothing wrong. Life is short, but forever it's so goddamn long. I like a long time, I'm on my own time. I love this good old, I hit the gold mine. I'm thinking new crib, I'm thinking two kids. Until I get infatuated with a new bitch. But when that gray hair finally come, at least I felt something if I ain't find the one. Nobody could fulfill me like this music shit does. So I'll be lonely with these Grammys when it's all said and done. Come on. I'm falling. octobre 1973. Octobre 1973, Quincy Jones publie son génial album « You Got It, Bad Girl ». Et une fois de plus, il prouve sa capacité à transcender les genres en éclatant le jazz, le funk, les rythmes latinos, la soul et le blues. Alors tenez-vous bien, il avait invité ce coup-ci Stevie Wonder, Valerie Simpson sans son mec, Ashford, George Duke, Dave Grusin, l'un des kings de la fusion dans les années 70, Bob James et son grand œuvre urbain, ou encore le français Eddie Lewis, ou Toots Stillmans et son harmonica. Quincy, ce n'était pas que le producteur insensé de Michael Jackson, c'était un immense musicien, une machine à danser, une machine à composer, une machine à arranger. Et c'est notre power play de la semaine. La nuit des temps, Radio Duo. Baby Quincy. Quincy, now the next tune is a loud thing. It's nothing but the blues. And one of those joints, old tunes, you know, it's a good time, low. I know I sound bad, but you overlook that. I've been up all night, 8 o'clock in the morning after riding 500 miles, something like that. Okay, now, if you can do something with that, you're better than me. All right? Thank you. You got brown butter with a beat, funk master flex, do what you gotta do. Cue juke joint is in full effect, bringing the old to the new to the old, you know what I'm saying? Fever in the funk house. Grind till you lose your mind, nothing but flavor. Let the good times roll, aight? C'est le pote Anas. Et c'est toute l'histoire du quartier de Queensbridge à New York qui remonte. Nous sommes en 1993, c'est Intelligent Odium qui joue sa saga, sa tragédie, et ce sera juste avant de prendre un Blaze complètement con. C-section, snatch me out by the head. I glance at the calendar and it read 1971, the 13th of August. Denise gave birth to a dream. A single mother all alone and it hurts. A bastard child, Pop Duke is in the dirt. Now I'm in the bridge on the block called Vernon. When girls didn't know a damn thing about burning, burning. Remember in the days of my youth, bust my first nut on a project roof. Now I'm on my way to PS 111. Miss of the tricks living in ghetto heaven. That's when I first saw the face of death. And none of the other brothers are left. Like my man Taye from around the way, on the stage coach where we used to play. You couldn't tell me then we wouldn't live forever. Welcome back, now we got it all. past the wave. Check it out, bust the move. Grand groove, bust the move. We love your grand groove, bust the move. Grand groove, bust the move, yeah. I try to maintain with the joy and pain. There's a lot to lose and a lot to gain. From beginning to end, again, I intend. When I lost you, I lost my best friend. You gave me a home and a life that was decent. But instead, I ended up in the precinct. A lost soul, I didn't understand how precious life was until I was a man. I seen a lot of my friends die in the projects. Lost their lives over material objects. But you tried to save me from a young death. So I strive to my last breath. You were the start of my family tree. Gave birth to Junior and then came me. Grand groove, grandmother, sister and my brother. Best friend to me, there can never be another. Cause I really need you today. Peace to the mothers who passed away. Essence, but I do miss your presence. Too busy trying to be slick and getting over. Back in the days, I used to wish I was older. And I remember. I used to sneak in the house with my eyes all red and duck the blow that was aimed for my head. Running the streets like a runaway slave. I didn't know you was heading for the grave. Never miss a good friend until the dawn. As long as I'm alive, you're gonna live on and on. You were here. I still love you to this very day. One love, grand groove, you passed away. Il a été samplé par Prodigy, Wayam. C'est le grand groove de Odlum. Et vous traversez la nuit des temps. Se promener sur la surface du groove avec cette fois une virée à Londres. C'est Kokoroko qui fabrique son afrobeat depuis 2014. C'est écrit sur le fronton du groupe since 2014. Et on fait un bond de 10 ans pour arriver au pied de 2025. Trois petites pièces et c'est toute la vibrante scène jazz de Londres qui nous embrasse. Racine, métissage, l'exploration. Toujours la dance. Et toujours ce truc. Mêlé jazz et clubbing. Thank you. la nuit des temps, l'international de la danse. Angleterre. Megatronic mixa house velouté dans les clubs et fait danser lentement son petit monde en penchant d'un coup une oreille vers les années 90 ou bien une autre oreille vers la voix et même peut-être les voix. Car pas de house sans grande voix, de celle qui s'inspire de la soul des années 70 pour rappeler toutes les minorités à danser. Des voix puissantes et expressives. Des voix qui en font des caisses, des voix chamanes, des voix politiques. Des voix qui grésillent aussi. Des voix mégatroniques. Mégatroniques qui nous jouent un Around the World très très 2024. Et le son plonge profond ses racines dans l'histoire de la house. Thank you. et ça brûle à Palm Springs. Et ça brûle tragiquement à Los Angeles. Mais nous, on écoute Damien Bibb. Il a produit du son pour Amy Winehouse, Aloe Black ou encore les Fantastiques Quantiques. Nous sommes en 2016 et c'est une grosse pensée pour la Californie. La nuit des temps, l'international de la danse. Quincy Jones, nous sommes en 1962. Thank you.

Voilà, et voilà, voilà, c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club qui ce soir gravitait autour des univers sonores de Quincy Jones. Mais un Quincy Baby. Et plutôt sa période années 60. Car entrer dans le monde de Quincy, c'est un peu rentrer dans une histoire de temps et se demander vers quelle époque aller. Pour faire honneur à Quincy Baby, nous avons reçu ce soir, sur notre dance floor, Tyler the Creator, qui aura marqué l'année 2024 avec son album Chromacopia, et qui pour le coup était accompagné d'un petit jeune qu'on adore, c'est Tizzo Touchdown. Tizzo Touchdown qui se balade lors de ses concerts, toujours avec un bouquet de fleurs à la main, en total déséquilibre, mais génial déséquilibre. On a également reçu Intelligent Gloom et sa saga de 1993. Ah oui, c'est encore plus loin. Cocoroco, pour la suite de ces trois petites pièces. Et rien d'immobilier là-dedans. Il y avait également Megatronic et son titre sobrement intitulé The World. C'est modeste. Également DJD et son Kossa, Dream Warriors, qui lui donnait sa définition de son bombastic jazz, hautement inspiré par Quincy Jones, justement, qu'on relance tout de suite, à l'instant, Quincy Baby. Quincy, Peggy, Quincy Baby, Peggy Lee. Qui avait mis la fièvre sur les scènes de cabaret en 1958. Et Alex Cassian, pour ses violons du paradis. Et Amen Malek, qu'on vient d'écouter, et son autopsie d'un complot. Quincy, Quincy, Quincy. Et on lève le nez vers le ciel. Vers le ciel de Saint-Étienne. et on regarde les étoiles. Car arrive, comme à la radio aussi bidouillage, et ses câbles, et ses ordis, et tout ça mixé en live pendant 2 heures jusqu'au bout de la nuit sur Radio Dio. Quincy, Quincy, Quincy. Buenas noches. Salut.